aucun apprentissage, faites des preuves ou de petites leçons. Je peux pas dire que j'attends ma mort par respect pour ceux qui le sont. Je kick ce son car la terre est moche, c'est bien trop triste. Mais je pleure pas, je garde mes larmes, pourquoi un proche s'éteint trop vite? Ouais, je crains de m'en vivre, tant pis si je détaille les gènes. Je déraille mais je reste conscient que ça n'arrangera rien si je m'éclate les veines. Je dévoile mes rêves entre chagrin et barre de rire. Je marche ivre entre personnes heureuses et d'autres qui en ont marre de vivre. Je garde le rythme, je sais que la mort ne blague pas. Regarde, on chiale des flaques de larmes pendant des heures devant une plaque de marbre. Je garde mon calme, je trace mon chemin si rêvé. J'en vois trop crever à petit feu avant même d'être incinéré. J'insiste, c'est vrai, pour être sur terre, pas besoin d'un potentiel. Je l'ai su quand j'ai vu mon père pleurer son pote dans le ciel. Je balance ce texte comme un homme man sans faire le cancre. Ma grand-mère me manque, je rappe sur ce thème car cet enfer me hante. C'est hauche-merde, ce poème conscient, je l'écris pour nos proches, plus de ce monde, loin des problèmes constants de cette vie. À force de pleurer, on accorde tout sec. La mort nous guette, victime d'un triste sort, ou presque. Ce poème conscient, je l'écris pour nos proches, plus de ce monde, loin des problèmes constants de cette vie. À force de pleurer, on accorde tout sec. La mort nous guette, victime d'un triste sort. Le quotidien envoie toutes sortes de droites. Je reste debout, mais peu importe ton gabarit, c'est le chaos direct quand la mort te frappe. Il faut qu'on tienne le coup. Mais c'est hoche, perdre ses proches et ne plus jamais les voir. Cette idée me met hors de moi. La tristesse, une grosse brute dans un corps de lâche. Faut que je tâche de rester fort avant que l'avenir me prenne le pouls. Sort de ma bulle, la tête dans les nuages pour être au plus près de ceux que j'aime, parti dans l'au-delà. J'tue le temps avant que le temps me tue. J'pourrais me noyer dans la tise, mais l'envie de vaincre mes peines me sauve le foie. Marre de ces belles paroles, écoute bien, la vie me saoule avec ses poèmes. À chacun de ses vers, je gerbe tout. J'perds le goût et la douceur de vivre. À chaque coup, je me dis que ça va, alors qu'au fond, je morfle grave. Tout ça me laisse plus bactère avant d'être enterré. Un rythme de vie sur lequel seule la faucheuse hoche le crâne. C'est hauche-merde, ce poème conscient, j'l'écris pour nos proches, plus de ce monde, loin des problèmes constants de cette vie. À force de pleurer, on accorde tout sec. La mort nous guette, victime d'un triste sort, ou presque. Ce poème conscient, je l'écris pour nos proches, plus de ce monde, loin des problèmes constants de cette vie. À force de pleurer, on accorde tout sec. La mort nous guette, victime d'un triste sort, je pense presque. À ta présence, c'est vrai que ça manque. Ton visage vient me tenir compagnie tous ces soirs où mes rêves s'absentent. J'ai de la chance de respirer encore, mais je reste sur mes gardes car ici la mort mène la danse. C'est vrai que ça manque. Ton visage vient me tenir compagnie tous ces soirs où mes rêves s'absentent. J'ai de la chance de respirer encore, mais je reste sur mes gardes car ici la mort mène la danse.